La lettre historique du maréchal Kim Jong-un, adressée aux participants à la 7e conférence de la Fédération générale des syndicats de Corée, devoir de la classe ouvrière Kim Il-sung, Kim Jong-il à l'époque actuelle et tâches des organisations syndicales, a été rapportée en intégrale ou en résumé par l'agence de presse russe TASS, le pays des États-Unis, le réseau chinois Planète et les pages d'Internet du Comité national d'études des études du Congo démocratique et de l'association d'amitié Paek Tusan Tchèque Corée.